Audiomatique. avez probablement reconnu le groupe Radiohead, duquel nous écoutions la pièce My Iron Lung en guise d'introduction à cette transmission 335 d'Audiomatic. La pièce se trouve bien entendu sur le deuxième album de Radiohead intitulé The Bands, paru en 1994. Audiomatic se poursuit avec une nouveauté de l'artiste canadien Glenn Love. Inexcusable. Inexcusable. Thank you. À Audiomatic, nous avions droit à la musique de Tommy Lunaire, qui est le projet du Sherbrookois Tommy Letourneau. Nous entendions la pièce-titre de son EP Until I Melt, qui paraîtra le 28 mai prochain. Pour en découvrir davantage, nous vous invitons à visiter son profil Bandcamp au tommylunaire.bandcamp.com. Tout juste avant Tommy Lunaire, il s'agissait du projet indien Future Pilot AKA, qui a collaboré ici avec le projet Scanner sur la pièce Fresh Milk, extraite de l'album A Galaxy of Sound, paru en 1999. Et pour débuter ce bloc musical, l'artiste torontois Glenn Love nous présentait sa plus récente composition Fragments of Life, que l'on peut écouter sur le profil Glenn avec deux N, love.bandcamp.com. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique de Sonra et de son Outer Space Orchestra. Atomic bomb. Kiss your ass. Goodbye. Goodbye. Goodbye. If they push that button, it's gonna blast you so high. It's gonna blast you so high. Up in the sky. Right in the sky. You can kiss your ass. You can kiss your ass. Goodbye. Farewell. Farewell. Goodbye. Goodbye. It's a motherfucker. Don't you know? Don't you know? If they push that button, kiss your ass goodbye. de confusion dans le cœur. On ira, on ira, on ira, on ira, on ira, on Listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo. und still bei Wänden flammt für Glück. À Audiomatic, nous terminions cette séquence musicale avec le groupe Einstürzende Neubauten et la pièce Furio, apparaissant sur l'album Aus der Luge, paru en 1989. Avant, nous entendions le projet Noise Unit et la pièce instrumentale Hommage, apparaissant sur l'album Response Frequency, sorti en 1990. À cette époque, Noise Unit était mené par le duo composé de Bill Lieb et de Mark Verhagen, respectivement membres des formations Frontline Assembly et The Clinic. Et on amorçait la séquence avec Sun Ra and His Outer Space Orchestra, qui nous interprétait la pièce Nuclear War tirée de l'album A Fireside Chat with Lucifer, publié à l'origine en 1983. C'est avec le projet canadien Eider Down que se continue Audiomatic. Thank you. stars, soiling penis, together in a room full of gear. Riding on in a room full of fear. Nous terminions ce segment musical à Audiomatique avec le groupe anglais 50 Tons of Black Terror et leur composition White Coal, ici remixée par Low Fidelity All-Stars sous le nom de The Lo-Fi's Meet Penthouse at the Brain Farm. Cette version apparaît sur le disque bonus du premier album de 50 Tons of Black Terror, intitulé Demeter, et paru en 1998. Et pour débuter, nous vous avons présenté le projet torontois Eiderdown et la pièce Prominence qui ouvre son plus récent album Heatwave. C'est l'artiste franco-chilienne Anna Tijoux qui nous conduira vers la fin de la transmission 335 d'Audiomatique avec sa pièce Todo lo solido se desvanece en el aire, tiré de son plus récent album intitulé Vengo. Les sonoristes vous donnent bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour la transmission 336 d'Audiomatique. Il est toujours possible d'écouter nos anciennes émissions par l'entremise de nos plateformes comme entre autres facebook.com/audiomatique-cfou et également mixcloud.com/audiomatique. Voici donc, pour terminer, Anna Tijoux et sa pièce « Todo lo solido se desvanece en el aire ». C'était Audiomatique avec les sonoristes. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. En el aire, toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a andar.